Bonjour et bienvenue sur comhistories.fr pour le numéro 24 du mag. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actu télé et ciné du côté des adaptations de comics, mais également sur les news VO et VF en ce qui concerne les comics papier. On aura droit, comme chaque semaine, au petit fun fact de la semaine, et puis on se penchera un petit peu sur ce qui se passait il y a un an pour voir si les choses ont bougé ou pas. Et en fin d'émission, nous vous annoncerons le nom du gagnant de notre jeu concernant le tome 1 et 2 de Pathfinder chez Glénat qui était à gagner cette semaine sur le site. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 24 du mag. Et cette semaine avec moi Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On va commencer par la partie télé. Et c'est du côté des zombies qu'on va commencer avec Arnaud. Oui, on avait appris il y a quelques semaines que AMC développait une web série dans cet univers-là, dans l'univers de The Walking Dead. Et donc ils ont révélé cette semaine que la série s'appellera Fear the Walking Dead Flight. 462, donc vol 462, puisqu'ils avaient révélé que ça se passerait dans un avion. Et donc la web série aura 16 épisodes, comme The Walking Dead, mais les épisodes, comme c'est une web série, dureront moins d'une minute et seront diffusés à partir du 4 octobre, c'est-à-dire le jour du final de Fear the Walking Dead. Et ensuite, la saison continuera pendant la saison 6 de The Walking Dead. Et on savait déjà, mais AMC l'a confirmé, c'est que l'un des survivants de cette web série apparaîtra dans la saison 2 de Fear the Walking Dead, attendue pour 2016. Voilà, donc c'est Koh-Lanta dans un avion, celui qui survit, c'est celui qui passe en saison 2. C'est cool. Ça. Petite promotion. Bon, c'est à la fois sympa d'intégrer ça à la série Walking Dead et à la fois un peu bizarre parce que du coup en plein milieu de l'épisode de The Walking Dead ou juste à la fin on va avoir quelque chose qui se passe au tout début de l'épidémie, enfin en fait ce sera diffusé pendant les pubs de The Walking Dead, en fait. Ce sera sur le site de la chaîne et pendant les pubs de la série. Ok, mais bon, vu la durée, une minute, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. On en avait parlé à la rentrée du mag. Beaucoup de personnes en ont parlé lorsque la photo a été publiée. Il s'agit bien sûr de Deagle slash Magneto. David Ramsey, l'acteur qui incarne Deagle, a réagi un petit peu. Il a réagi aux réactions, en fait. Il a réagi à ce qui a été dit concernant le casque. Il a dit que lui, il l'aime bien. Alors, il sait qu'il y a eu de nombreuses critiques, notamment parce qu'effectivement, il ressemble à celui de Magneto. Il dit pas le contraire, hein. Il a pas dit non, je trouve pas. Il a pas dit, ça aurait été un peu de la mauvaise foi en même temps. Et il nous dit, mais attendez de voir en action, vous oublierez complètement les X-Men. Il nous rajoute également qu'il a aussi un super pistolet. Évidemment, le casque et le fameux pistolet sont une création Star Labs. Ça fait rêver. Voilà, donc. Ouais, oui. C'est très rassurant. En même temps, attendons de le voir en mouvement. On l'a vu en mouvement, ouais. Dans le trailer. Ouais, c'était vraiment. Et ça reste Magneto. C'est ça. Donc, il nous a dit voilà, attendez de le voir en mouvement, vous verrez ce que le casque peut faire. Ça se trouve, c'est un cérébro. Là, j'ai peur. Enfin, on verra, hein, la saison 4 commence mercredi, sur CW, donc on sera rapidement fixé, enfin, sauf s'il ne l'a pas dans le premier épisode. Mais c'est tellement beau et c'est tellement nouveau qu'ils vont bien le mettre dès le début. Une autre série qui revient mardi, cette fois, c'est The Flash, et on a appris un casting, Clément. Oui, c'est le casting de la mère d'Iris, donc qui est Vanessa A. Williams, qui est connue pour son rôle dans Candyman. Je ne connaissais absolument pas. Mais même voilà. Sa tête ne me disait rien personnellement quand je l'ai vue. Ouais, ça m'a... Donc après Mama Smoke, Mama West. C'est ça. En espérant qu'elle soit un peu plus utile que Mama Smoke. On va faire une petite battle entre les deux, c'est cool. Ah, ça serait drôle. On pourrait faire un club, je sais pas. Le club. Allez, on va passer là-dessus. On va passer sur une série qui nous fait tous rêver, qui nous a fait rêver pendant sa première saison, qui est lié à quelque chose dont on vous parlera juste après dans les codes d'actu VF, c'est Powers. Powers qui, oui, va avoir une saison 2, on le sait déjà depuis longtemps, malheureusement. Et on a appris un casting pour cette saison 2. C'est Michael Madsen qui jouera le rôle de Super Shock. Le Super Shock, pour les non-connaisseurs du comics Powers, c'est un des premiers êtres, premiers humains, à avoir eu des pouvoirs dans l'univers de Powers. Ça fait des millénaires qu'il a des pouvoirs. Il s'est révélé à l'humanité très, très tard. Voilà. Donc, un personnage assez important dans la mythologie de Powers, le comics. On verra. Non, on verra pas. Donner. On verra pas, justement. Ah, peut-être que je verrai. Oh non. Quand même. Ça va peut-être créer un électrochoc. Oh putain. Voilà. Bon, bah écoute, on va te laisser enchaîner sur la prochaine. Ouais, bah, j'ai un peu honte là. Je me sens très sale d'avoir. Ouais, tu peux te sentir sale aussi. Vas-y, continue. Oui, je crois que c'était la semaine dernière. On avait déjà parlé d'un premier teaser pour Jessica Jones, je crois, ouais. Il y a 2 semaines. Oui. Ouais. Bah oui, c'était le deuxième. C'était le deux. On en a eu un il y a 2 semaines, un il y a 1 semaine, et puis un nouveau cette semaine. Ouais, et voilà, à nouveau cette semaine, donc cette fois qui met en scène un jukebox. Donc c'est un teaser que je n'ai absolument pas vu. Oh là là là là. Teaser qui se passe 4 heures, un peu plus de 4 heures après. On a eu le réveil qui était à 15 heures et celui-ci se passe à 19 heures quelque chose. Et Jessica Jones est dans un bar, lance un disque dans un jukebox et puis traverse le bar pour aller boire un verre et. Au passage, elle enjambe les corps de plusieurs personnes qu'elle a mises par terre. Justement. Voilà. Ça donne le ton de la série, alors. C'est ça. Donc, toujours l'humour. Enfin, moi, je trouve ça toujours assez marrant. Et toujours le côté très puissant et badass de ce personnage. Enfin, elle est toute fluette en plus. Enfin, l'actrice est toute fluette et on lui prêterait pas une once de la force qu'elle a. Et du coup, voilà, c'est assez sympa aussi. On peut s'attendre, à mon avis, à avoir d'autres teasers qui se passeront 2-3 heures plus tard, et puis on va avoir comme ça toute la journée Jessica Jones sous forme de teaser. C'est bien parti pour, et puis c'est plutôt sympa comme processus. C'est ça. Clément, toujours, concernant Marvel Studios et Kevin Feige. Kevin Feige, on en reparlera pas mal de fois dans ce mag, il s'est exprimé sur pas mal de sujets cette semaine. Bon, est-ce que c'était vraiment une surprise? Enfin, une surprise. Est-ce que c'est surprenant? Je dirais que non. Donc, Kevin Feige a annoncé au cours d'une interview que les séries Marvel Studios allaient être davantage connectées au MCU, donc les films. Donc, quand on voit le season première d'Agents of S.H.I.E.L.D., c'est pas une surprise, quoi. Voilà. Ils l'ont toujours été, mais. Voilà, jusque-là, c'est vrai que c'est surtout Agents of S.H.I.E.L.D. qu'on a profité. Pour Daredevil, c'est surtout des références, des petits easter eggs qui étaient cachés. Kevin Feige a déclaré, quand on crée des séries aussi bonnes que Daredevil avec des acteurs aussi bons, voilà, on peut qu'avoir envie de les voir plus intégrés. Il n'a pas mentionné Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais. En parlant de bonnes séries et de bons acteurs. voilà, pour ça, oui, effectivement, c'est attendu, c'est logique. On s'attend à voir peut-être Charlie Cox débarquer. Infinity War. Pourquoi pas dans Infinity War? Comme il y a une rumeur des Defenders dans Infinity War. Oh bah, on verra quand on sera de toute façon plus. C'est pour 2019. Hein. Oui. Arnaud, on a appris cette semaine 2 nouveaux projets, 2 séries. Le premier pour HBO du côté de chez DC et le deuxième encore pour ABC. Oui, bah, on parlait de Marvel, on va peut-être rester avec Marvel un petit peu. C'est alors après Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter, la chaîne de Disney, enfin le projet de Most Wanted, oui. ABC a un autre projet de Marvel hein, qui s'appelle Damage Control, et cette fois-ci c'est une comédie qui en fait suit l'équipe qui s'appelle Damage Control, qui en fait s'occupe des répercussions de tous les combats des Avengers et autres super-héros de l'univers Marvel. Et du coup, c'est eux qui nettoient un petit peu, qui ramassent les armes et qui les ramènent au bon endroit, qui récupèrent tout ce qui a été perdu pendant la bataille. Ce qui peut faire penser un petit peu au court-métrage Item 47, qu'il y avait dans je sais plus quel DVD, ou quel bonus. Avengers. Oui, Avengers, puisque c'est Ah oui, après la France. bataille. Donc ça peut faire penser un petit peu à ça. Et donc c'est le nouveau projet d'ABC. Donc pour l'instant, pas beaucoup de détails à part ces petits synopsis. Et que c'est écrit par un ancien du Colbert Report. Une émission assez humoristique et assez connue. Donc ça peut être rassurant, c'est une comédie. Et ça fait surtout, moi, quand j'ai vu ça m'a fait surtout penser à une autre comédie de super-héros. C'est le projet Ici. le projet d'ici chez NBC, il me semble, oui, chez NBC. Qui, pareil, c'est une comédie dans l'univers d'ici. Alors cette fois-ci, c'est une comédie de bureau. C'est une assurance, c'est des super-héros qui viennent pour s'assurer, ce genre de choses. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Et c'est bien que d'une, il y ait de plus en plus de ces super-héros, mais qu'ils essayent de faire diversifier les genres. La comédie, c'est pas forcément le genre où on verrait une série de super-héros. Donc ça peut être intéressant. Et l'autre série, cette fois-ci, c'est toujours du DC, enfin du Vertigo plutôt, la branche indépendante de DC. C'est HBO qui confirme une rumeur qui date d'il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que HBO adapte, parce qu'on a eu la confirmation, est en discussion pour adapter Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Donc pour l'instant, aucune information, ils ont juste confirmé qu'il y avait des discussions. C'est pas encore en développement ou quoi, ils sont juste en train de discuter de l'idée. Mais on ne sait pas du Mais tout si c'est un préquel, un reboot, un bah séquel. ça pourrait être très bien une adaptation Bah, du coup. il y a quelques mois, ils avaient parlé de ne pas faire un remake en série du film, mais de faire une série qui se passe dans le même univers, donc de Oui, donc prolonger l'univers du film. bah Mais c'est il y a toujours hein. aussi une rumeur de faire une véritable adaptation parce que les comics sont 12 épisodes, donc ils parlaient de faire une mini-série de 12 épisodes. Enfin, il y a eu plein plein de rumeurs et HBO n'a Ouais, rien dit du tout, c'est mais juste en discussion. honnêtement, enfin, je pense pas que le film ait besoin D'être fait. d'être refait parce que quand tu, enfin, moi j'avais vu, je crois que Non, j'avais mais ça peut vu. très bien être un préquel, nous Non, montrer. mais justement, ça serait moi, ça, enfin, moi je pense, quand j'ai vu cette news-là, j'ai pensé à Before Watchmen parce que, effectivement, Oui, c'est quand même et c'est assez des préquels, récent. Before Watchmen. Oui, Donc voilà. c'est très bien, c'est récent et il y a quand même, y avait quand même de la qualité, quoi. Il y avait du bon, du moins bon, mais si tu prends par exemple Ozymandias, Rorschach qui était pas mal, c'est vrai qu'en série, ça peut se prêter très bien à ce format-là. Donc j'espère que ça va pas être un reboot, mais je pense que c'est plus probable que ce soit une adaptation de Before Watchmen. Enfin, j'espère. Ça peut être pas mal. Espérons. On verra si ça se fait déjà. C'est ça. Alors, il y a une chose qui ne se fera pas, et c'est avec ça qu'on va Ah passer à l'actu comics du côté de la France. Et, alors, pas encore les comics papier VF, mais l'actu française, puisque le Comic Con Paris approche, et s'il y a bien une chose qui ne se fera pas, c'est Brian Michael Bendis. dur. Puisque Monsieur Bendis a annulé, via Twitter, sa présence à la Comic Con Paris de cette année. Alors, la méthode, je la trouve un peu bizarre, un peu douteuse, limite irrespectueuse, D'ailleurs, Comic-Con n'a toujours voilà, pas. faire une petite mention à Comic-Con en leur disant, hey les gars, bah, finalement je viens pas. Bon, le motif, il est encore plus douteux. Ouais, alors Je viens pas parce que mon planning est surchargé à cause de Powers saison 2. ça. C'est du gros foutage de gueule, quand même. Donc là, déjà, on dit bordel, c'est abusé, quoi. Certes, Bendis ne viendra pas à la Comic-Con, mais le lendemain ou quelques heures après, la PCE annonce qu'il rajoute un jour. Tranquille. Allez, On bim. est tellement content de notre programme, des invités qu'on va recevoir, on a tellement de choses de prévues que 2 jours ne suffisaient pas. Donc, le vendredi après-midi est rajouté au week-end de Paris Comics Expo. Donc, vendredi après-midi, les horaires seront c'est l'ouverture à 14h, c'est un après-midi, à 14h-20h, je crois. Voilà. Pense que ça va. Je pense que pour le coup, enfin, vu comment a l'air de gérer l'orga de la Comic Con France, honnêtement, je sens plus ce que va nous faire la PCU, surtout avec les annonces, enfin, Broustine qui est en France, quand même, Enfin, c'est quand même énorme. Donc, je pense qu'on va l'avantage, on va dire, de que la Comic-Con soit beaucoup plus tôt que la TCE. Mais je pense que du coup, il y aura comparaison à faire et je pense que la comparaison risque d'être assez fatale pour la Comic-Con. Alors, j'ai enfin trouvé une page Facebook Comic-Con Paris. Et pour voir juste s'ils ont parlé de tout ça. Non, non. Alors, nous sommes très heureux de vous annoncer. Nous sommes très heureux de vous annoncer. Machin va venir. Bienvenue à Disney, tout ça. Ah, si, ça y est. Comme certains d'entre vous ont pu le voir, c'est avec une grande tristesse que nous voulons annoncer que Brian Begris, hein, ne pourra pas être des nôtres. Il a exprimé sur Twitter hier son regret de ne pouvoir. Hein. Quant à nous, on préfère évidemment une nouvelle annonce. Voilà. Ouais, enfin, ça vend pas du réel, hein. On verra. Quelle annonce pour remplacer Brian Bendis? Il va falloir quand même trouver quelqu'un de. À moins que par chance, genre, ils font venir, je sais pas, Scott Snyder, Capullo. Scott Snyder est déjà venu à Angoulême cette année. Il y Ah a New oui. York dans 2 semaines. Enfin, franchement, je vois Oui, pas. effectivement. Oui, non, mais t'as raison, Pareil, sinon les j'avais jamais acteurs, pensé. soit ils sont en tournage, soit ils sont à New York Comic Con. C'est ça. Donc, Bref. On verra, on va guetter de toute façon l'annonce, la fameuse annonce qui nous est promise. Allez, on va rester du côté du Comic Con Paris, Clément, et Panini a annoncé les deux magazines qui auront droit à Ouais, des couvertures variantes pendantes voilà. là-bas. Donc, ça sera Deadpool numéro 15 par Matteo Loli, limité à 1300 exemplaires, donc qui coûtera 9,95 €. Et après, c'est Wolverine 3 par Andy Clark, limité à 650 exemplaires, et ça sera à 19,95 €. Voilà, donc les prix habituels et Ouais. les tirages habituels, puisque en général, pareil, dernière PCE, la couverture à 650 exemplaires par Alan Davis sur Avengers, c'était vendu au même prix. Enfin voilà, on est dans la norme de chez Panini. Allez, on va boucler la partie VF et on va passer au petit fun fact de la semaine. Et on va revenir en arrière, on va pas chez Marvel comme on a fait les 2 dernières fois, on va passer chez DC, et je vais vous parler de Laetitia Lerner, Superman's Babysitter. Hein? Quoi? Laetitia Lerner, Superman's Babysitter, donc la babysitter de Superman, c'est une histoire courte qui avait été écrite au sujet d'une jeune babysitter qui tentait de surveiller, de garder un petit Baby Clark, Kent, qui était pour le moins hyperactif pendant que la famille Kent justement était de sortie. Le comics avait finalement été jugé un peu trop violent et toutes les copies avaient été détruites par DC. What? Alors, c'est sans doute parce que Clark était passé au micro-ondes. Il avait mordu des câbles électriques. Il buvait du lait directement au pis d'une vache. Voilà. Ou alors, peut-être l'annulation, c'était à cause du fait que maman et papa Kent étaient montrés en train d'avoir une relation sexuelle au motel. Voilà, donc cette histoire, c'est Laetitia Lerner, Superman's Babysitter. Elle a été finalement republiée, réimprimée après par DC dans un numéro de Bizarro Comics. Quand je suis tombé là-dessus, moi j'ai quand même furieusement pensé à la babysitter dans le film Disney, Incredibles. Ah bye. Ah oui. Cette fameuse babysitter qui tente de garder un bébé complètement hors de contrôle avec ses pouvoirs et qui. Et voilà, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Est-ce que cette partie-là est un hommage à cette fameuse histoire? C'est possible, ce serait C'est pas possible, surprenant. on sait pas. Ça serait pas surprenant, c'est quand même beaucoup de clin d'œil aux comics, mais voilà. Ouais. C'était. Ouais, non, d'ailleurs les indestructibles. Ouais. Donc DC avait osé du what Bon, the fuck, elle avait du sacré what ah ouais, là pour the le coup, oui. Clark au micro-ondes, monsieur et madame Kent qui se payent du bon temps au motel, c'est quand même quelque chose. Clark au micro-ondes, quoi. Oh la vache. Ah, puis j'aurais bien aimé le voir aussi têter le pit de cette vache. Il faut que je trouve cette histoire. Bah, il faut que je suis. Attends, Google Images, est-ce qu'il y a tout en micro-ondes? Ah oui, on le Oui, voit. on l'a sur la page sur laquelle j'ai trouvé l'histoire. Je t'enverrai un lien et puis Ouais, on mettra dans envoie-moi l'article, on mettra dans l'article du Mac, comme ça vous pourrez voir ce fabuleux le Clark dans le micro-ondes. Voilà pour le fun fact. On va passer à l'actu ciné maintenant. Et l'actu ciné nous amène et va nous amener de plus en plus maintenant à parler de Civil War. Et c'est toi, Arnaud, qui t'en occupe. Oui, alors oui, tout le monde attend le fameux trailer de Civil War. Mais bon, en attendant, il faut qu'on prenne ce qui nous tombe dessus, et c'est juste Kevin Feige qui a parlé, et d'autres comme Stan Lee. Donc avant de venir sur Kevin Feige, Stan Lee, donc le grand Stan Lee, a annoncé qu'il avait choisi son camp pour Civil War, ce que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait. Moi, j'avoue, c'est déjà fait aussi. Et je suis d'accord avec le choix de Stan Lee. Et alors, il a déclaré lors de la Edmonton Comic Expo qu'il avait choisi le camp de Captain America. Et il se justifie en disant qu'il a choisi Cap parce qu'il a le cœur le plus pur. Ce qui n'est pas faux parce que en face, Tony Stark, on ne peut pas dire que c'est vraiment le cas. Hein. C'est plus peinture alcoolique que pur. Ouais. Et encore, t'es gentil, juste alcoolique. Stan Lee était un petit peu plus dans ses propos. Il a dit également qu'il était interprété par un acteur de talent. Alors, est-ce que ça veut dire que Robert Downey Jr. n'est pas un acteur de talent? Je ne sais pas. Et Stan Lee a quand même justifié pourquoi il avait dit que... Enfin, justifié. Sur le ton de la blague, en disant que, de toute façon, Chris Evans adorait Stan Lee et que quelqu'un qui adore Stan Lee est forcément un bon acteur. Est-ce qu'il aurait des soucis avec Robert Downey Jr.? On ne sait pas, enfin, j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai qu'entre Chris Evans et Stan Lee, il y a quand même voilà, plusieurs clins d'œil qui sont de manière récurrente. Et voilà. Effectivement, c'est tout le respect de Chris Evans pour Stan Lee. Et Stan Lee a toujours défendu Chris Evans en tant que Captain America face aux détracteurs. Le camp est choisi pour Stan Lee. En même temps, c'est, voilà, Captain America, c'est sa création. Hein. Voilà. Et toujours sur Civil War, du coup, Arnaud, Kevin Feige cette fois? Oui, il avait la langue bien pendue cette semaine, apparemment. Et il a dit que, justement, pour Captain America, Civil War marquerait la fin de la trilogie sur le personnage. Alors, il ne s'est pas penché davantage sur ce que ça veut dire. Ouais, les lecteurs de comics ont une petite idée. Est-ce qu'ils vont faire comme dans les comics? On ne sait pas. Mais à voir. Il y a tellement de théories possibles. Ce qui pourrait arriver à Captain America. Au Captain America, parce qu'il y en a plus d'un dans les comics. Donc, à voir avec le film l'année prochaine. Et il a aussi parlé un peu plus loin, là, dans la phase 3. Il a parlé de Infinity War, donc Avengers 3 et 4, qui sortiront en 2018 et 2019. Et il a annoncé Infinity War marquera la fin des Avengers tels qu'on les connaît. Mais pas la fin du MCU, bien sûr. Vu comment la franchise rapporte à Disney, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est pas la fin du MCU qu'il a annoncé, mais la fin d'un gros chapitre, comme il l'a dit. Ce qu'on pouvait s'en douter, puisque on sait très bien que le big boss c'est Thanos, hein, et que c'est lui qu'on a compris que c'est Thanos qu'ils allaient affronter dans Infinity War. Donc c'est une annonce sans vraiment l'être, on l'avait tous compris. Mais comme on a pu déjà le sentir avec la fin d'Avengers 2, il y aura beaucoup de changements dans l'équipe. Dans l'équipe et dans le MCU. Donc à suivre, Kevin Feige qui en a également profité pour dire qu'il avait de très grands plans pour Spider-Man. C'est bien. En même temps, ils ne sont pas emmerdés à faire un deal pour rien en faire, quoi. C'est plus le temps qu'il voulait le récupérer, machin. Si c'était pour rien en faire, enfin voilà. Oui, heureusement que tu as des plans pour lui, quoi. Encore heureux. Bon, bref. Clément, dernière actu ciné, toujours du côté de Marvel, mais pour la Fox, cette fois. Ouais, pour la Fox. Donc, je crois qu'on avait parlé il y a quelques mois d'un film New Mutants. Donc, je ne sais plus si c'est... je sais plus si ce film-là... Enfin, c'est supposé être la suite d'X-Men ou non, pas du tout. C'est une autre équipe. Ouais, c'est une autre équipe, donc ça sera pas certainement suite à mince, à... Ah ! Apocalypse ? Oui, X-Men Apocalypse, merci. Et donc, bah, ça y est, le scénario du film New Mutants est bouclé. Voilà. C'est ça. On sent bien hein, que c'est très calme hein, du côté de l'actu ciné pour le moment. L'actu comics VO, pareil, on va le voir juste après, est assez calme. C'est pas étonnant. New York Comic Con, c'est le week-end prochain. Donc là, par contre... Ouais, on va avoir les grosses annonces. Voilà, le mag numéro 25, en plus d'être un numéro un peu anniversaire dans les comics, je pense que ça sera un numéro oversize avec toutes les annonces qui vont nous tomber dessus. Ah bah oui. Profitons de ce calme avant la tempête. Les Harvey Awards, on va commencer l'actu comics VO avec les Harvey Awards. cérémonie assez reconnue, moins évidemment que les Eisner, mais c'est vraiment voilà, c'est une cérémonie qui compte dans l'année comics. Les Harvey Awards ont révélé leur palmarès la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce palmarès? Plusieurs choses. Évidemment, Brian K. Vaughan, pour plusieurs de ses travaux, a été récompensé. Il a gagné le prix du Best Online Comics Work pour The Private Eye sur padelsyndicate.com, qui va sortir en version deluxe hardcover chez Image au mois de décembre. Quelque chose qui est un peu cher, 45-49 $, je sais plus, qui contient 10 numéros, belle édition luxueuse, etc. Enfin, voilà. Private A, que vous allez lire en ligne ou que vous chopiez l'édition Image Comics en hardcover, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Donc voilà, récompense pour Brian K. Vaughan pour cette œuvre, mais aussi pour Saga. Bah oui, Saga a évidemment été récompensé. Best Cover Artist pour Fiona Staples. Normal. Et Best Continuing Unlimited Series pour la série. Et c'est pas tout, puisque Fiona Staples a aussi gagné Best Artist. Normal. Voilà, donc il manquait plus que le scénariste pour Brian K. Vaughan, mais le scénariste a été attribué à quelqu'un d'autre. Et ça me fait plaisir, parce que le Best Writer pour les Harvey Awards, c'est Mark Waid pour la série Daredevil. Donc chez moi. Ah ouais. Eh ouais. C'est mérité quand même, il a fait un truc assez incroyable sur Daredevil, il s'arrête. La série vient de se terminer version Mark Waid, donc voilà, c'était le moment ou jamais de le récompenser après l'avoir donné à Brian K. Vaughan pendant des années. Voilà. C'était peut-être temps de passer à quelqu'un d'autre. Ça fait mal de changer. Voilà. On va Frozen Bastard, meilleure nouvelle série aussi. Danny Mickey pour Batman, meilleur encreur. Moi, ce qui m'a marqué surtout cette semaine, c'est toute l'histoire autour du Special Award for Humor in Comics qui a été attribué à Chip Zdarsky pour Sex Criminals. Chip Zdarsky qui a refusé le prix. Il a refusé le prix parce que Sex Criminals, l'humour dans Sex Criminals, c'est pas Chip Zdarsky, c'est Chip Zdarsky et Matt Fraction. Et il avait déjà alerté les Harvey Awards au moment des nominations en leur disant que si l'intitulé de la nomination ne changeait pas, il refusait d'être nommé. Waouh. Il voulait que ce soit Chip Zdarsky and Matt Fraction, virgule, Sex Criminals, virgule, Image Comics. Ça n'a pas été fait. Il a eu le prix. Il l'a refusé parce qu'il n'était que pour lui et que pour lui, si Sex Criminals mérite un prix concernant son humour, ben c'est pas que pour ses dessins, c'est aussi pour le scénario de Matt Fraction. Que c'est un travail qui se fait à deux et qu'il refuse. Voilà. Il aurait eu un prix pour ses dessins, il l'aurait accepté parce que ça aurait été lui en tant que dessinateur, mais un prix pour quelque chose de global pour la série, il refuse de le prendre pour lui seul. Il a raison. Pas faux. Donc je salue vraiment ce qu'il faut quand même là. Gagner un Harvey Awards et le refuser. faut quand même les porter, quoi, j'ai envie de dire. Ah oui, ça. Donc c'est bien. Il est allé jusqu'au bout, il n'a pas lâché son comparse Matt Fraction. Voilà, voilà au moins quelqu'un pour lequel le mot équipe créative veut dire quelque chose. Et c'est plutôt cool. Arnaud, Marc Millar, fais parler de lui, et puis pour une fois, c'est plutôt bien. Oui, pour une fois, c'est positif, c'est une bonne initiative qu'il entreprend. Il fait une chasse au talent. Il a, alors, pour un annual de son Millar World, donc c'est tout l'univers de Mark Millar. Il recherche 12 talents, donc 6 scénaristes et 6 dessinateurs pour un annual. Et le concours est ouvert à tous. Donc, si jamais parmi vous, certains veulent écrire ou dessiner quelque chose, ils veulent tenter le concours, c'est possible. Voilà. Si Clément, tu veux faire une histoire d'ailleurs comment ça s'appelle merde, j'ai oublié cette putain. Iron Fist. De Kick-Ass. Ouais. Si tu veux faire une histoire de Kick-Ass à la festinière, vas-y. Envoie ton script à Marc Mina. s'il est capable d'accepter. Il y a juste quelques balises. Hein. Il y a des balises qui ont été posées par Millar. Il a précisé quelles histoires il voulait voir figurer dans l'annual, et puis il a un peu balisé le scénario en disant voilà, faut que ça mette en avant tel personnage dans tel contexte, mais après là-dessus, bah, à vous de me proposer quelque chose. Bon. Donc je sais pas si la festinière fait partie de ces critères. Ça fait 10 ans que c'est commencé, ça serait peut-être temps de le finir, non Clément? Ouais, ça serait bien, ouais. Donc c'est Jim Lee qui aimerait, parce que Jim Lee, on sait très bien qu'il a une fâcheuse tendance à commencer quelque chose et à ne pas terminer. Donc, Jim Lee a annoncé cette semaine qu'il aimerait terminer All-Star, Batman and Robin. Voilà. Donc, All-Star Batman and Robin, commencé en 2005, hein, dont on n'a plus aucune nouvelle depuis 2008. Il y a eu énormément de retard entre les numéros qui ont été parus, il en manque encore. Ça fait 7 ans que c'est le silence autour de ça. Frank Miller revient avec Dark Knight 3. A priori, il est plutôt content de revenir dans les comics et il aimerait bien refaire d'autres choses. Donc, bah, Jim Lee dit tant qu'à faire, si on pouvait finir notre truc. Ça pourrait être pas mal. Jim Lee a dit, hein, qu'il avait été un peu démotivé par Batman, que ça l'intéressait plus trop après avoir passé plusieurs années sur le personnage, mais que là, il prend beaucoup de plaisir à le retrouver pour Batman Europa et que du coup, voilà, il serait pas contre l'idée de terminer son All-Star Batman and Robin. Ouais, sauf que nous, maintenant, on s'en fout. Qui, 10 ans après, a envie de voir la fin de ce truc est en plus pas forcément exceptionnel, voire pas très bien. Voilà. Trop tard, j'ai envie de dire trop tard. C'est ça. Et pour terminer les news VO, Mark Waid, qui a remporté donc le Harvey Awards du meilleur scénariste, va revenir sur une série Marvel en 2016, puisque le Daredevil s'est fini pour lui. Il a arrêté. Il va revenir en plus avec Chris Samnee, le dessinateur qui était avec lui sur Daredevil, et il va revenir pour une série Black Widow. Donc Black Widow par Mark Waid et Chris Samnee, c'est pour début 2016. Et Et j'ai là, envie de tu dire, sautes au plafond. bah ouais, si c'est aussi frais que Daredevil, moi j'achète. Clairement, il n'y a pas de souci. En plus, ce que Mark Waid fait sur Archie, c'est très cool aussi. Donc, voilà, j'ai bien envie au moins de jeter un œil. Clémence, t'en touches une sans faire bouger l'autre? Voilà, exactement. Kudo, toi, non? D'accord. Ah! On va terminer avec Il y a un an, et il y a un an, Marvel annonçait The End is Forever, la fin des Quatre Fantastiques. Un an après, ça a eu lieu, effectivement. Et où est-ce qu'on en est avec les Quatre Fantastiques dans les comics? Nada. Nada, nulle part. Tant mieux. Tant mieux, tu penses? Bon, ah, c'est pas. Enfin, quand tu vois ce que ça a donné au cinéma, c'est pas. Ouais. Enfin, pour toi, suite à l'échec du cinéma, du coup, c'est peut-être mieux que les Quatre Fantastiques Ah, se fassent oublier, même dans les comics? bah, honnêtement, enfin, moi, les Quatre Fantastiques, c'est pas un comic que j'ai eu envie de lire et qui m'a intéressé. Donc, je pense que on va garder pendant plusieurs mois, années, un mauvais souvenir des Quatre Fantastiques dans son ensemble. C'est peut-être pas plus mal que pour le moment, les Quatre Fantastiques ne reviennent pas en série régulière. Ça apparaît toujours. Je crois qu'il y a eu quelques apparitions par-ci et là. Mais en tant que série régulière, c'est peut-être pas un mal que ça se fasse, on va dire, discret. Et on peut très bien imaginer que ça va revenir d'ici 2, 3, 4 ans et que ça va revenir avec la qualité derrière et que du coup ça peut-être redonner envie de s'intéresser à ces personnages. Ouais, après, les Quatre Fantastiques, la dernière mouture, du coup, c'était par Robinson. C'était plutôt très bon. Donc, ça s'était arrêté bah, par, là, effectivement, The End is Forever. Voilà, on arrête. Mais on n'arrête pas pour le film. Hein, Ouais, on a pas tué que le ça demande casting, des mais ça n'a rien à films. voir. Ouais, on a tué le casting, on arrête la série, hein, comme par hasard, juste avant que le film de la Fox sorte. Mais Mais c'est pas la même. c'est pas lié, hein. Il me semble. Bon, bah, c'était des bandes de Quatre Fantastiques, quoi. Ouais, voilà. Enfin, ils avaient toujours soutenu le titre pendant jusque-là. Bon, les ventes étaient, oui, pas exceptionnelles, effectivement, mais ça ne leur avait jamais donné envie d'annuler le titre. Voilà. Enfin, Fantastic Four, c'est le titre, depuis que l'univers Marvel est né, c'est le titre qui a toujours existé. Ah bah oui, exact. Enfin, il a toujours existé avant. Il n'y a pas eu d'interruption du titre Fantastic Four. Enfin, on était à plus de 600 numéros, tout comme Spider-Man, voilà. C'était quand même un gros emblème. Effectivement, l'arrêter parce qu'il y a un film et qu'on n'a pas les droits, je trouve quand même ça un peu mauvais joueur. Ça fait un petit peu caprice, je trouve. Alors après, quand est-ce qu'ils vont revenir maintenant? C'est ça. Parce que toi, tu dis dans 2-3 ans, mais pourquoi les faire revenir dans 2-3 ans? Non, mais je disais ça comme ça peut. Enfin, Moi, j'ai peur, franchement, j'ai peur que les Quatre Fantastiques ne reviennent pas tant que Marvel n'aura pas récupéré les droits cinéma. mais ça, s'ils les veulent maintenant, vu l'échec. je pense, c'est pas faux. Je trouve ça un peu con parce que. Oui. Enfin, ils font la même chose avec les X-Men. Hein. Ils les mettent de côté aussi. Ils n'arrêtent pas le titre, mais ils les mettent de côté. Ils les mettent de côté, mais ils les confient quand même à Jeff Lemire, qui est une star montante et Ouais. qui est un immense monsieur dans Oui, les en même comics temps, actuels. ils n'allaient pas l'arrêter parce que ça fonctionne. Les X-Men fonctionnent bien mieux que Fantastic Four dans les ventes. Oui, un peu. Le X-Men qui fonctionne, c'est Deadpool. C'est ça. Et Wolverine, pendant 5 ans, mais lui, il a fait son temps. Mmh. Et maintenant, ça marche déjà moins bien. Mais sans Deadpool, les X-Men, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc bon, voilà, il y a un an, Marvel nous annonçait la fin des Fantastic Four. Un an après, effectivement, cette fin a eu lieu. On n'a pas de nouvelles des Fantastic Four. Ils font toujours une apparition par-ci, par-là, hein, mais pas en tant que Fantastic Four. Bah, c'est une histoire qui va arriver chez les Inhumains. Enfin voilà, on a plein de petites choses comme ça, mais rien de plus, pas de nouvelles de la série, pas de nouvelles de l'équipe. Et a priori, c'est parti pour durer. Ouais, ça super. Avant de conclure cette émission, on va vous annoncer le nom du gagnant de notre jeu Pathfinder. On vous rappelle, il y avait 2 tomes de Pathfinder, tome 1 et 2, qui étaient à gagner, édité par Glénat, qui étaient à gagner cette semaine, avec une petite question toute bête sur le site qui vous demandait quel éditeur américain publie Pathfinder. Il s'agissait bien sûr de Dynamite. Et la personne qui a été tirée au sort, c'est Fabien Brault. Et donc, Fabien, tu recevras un mail dans la semaine pour tes coordonnées, tout ça, et puis tu recevras donc les 2 tomes de Pathfinder qui sont disponibles chez Glénat. Les prochains rendez-vous de la semaine jeudi, c'est-à-dire après-demain, sur nos écrans numéro 24, Agents of S.H.I.E.L.D., le retour d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui a eu lieu mardi dernier. Est-ce qu'on est sur la même lancée que cette saison 2 qui nous avait plus que conquis? Ou est-ce que ça lève un peu le pied? On en parlera jeudi. Et puis on vous parlera également de Vixen, la mini-série animée de CW. Ce week-end, pas de Padawan Edition. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau mag. Et d'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.